Chapitre 43e. Départ de Marguerite. Mrs. Shaw avait pris Milton en haine, autant qu'il était possible à sa nature douce et molle de haïr. Elle le trouvait bradant, enfumé. Les pauvres gens qu'elle voyait dans les rues étaient sales, les dames riches étaient paries avec mauvais goût, et elle n'avait pas vu un seul homme, riche ou pauvre, dont les habits fussent bien ajustés. Elle était sûre que Marguerite ne reprendrait jamais ses forces à Milton, et elle-même craignait d'y voir revenir ses anciennes attaques de nerfs. Il fallait que Marguerite partît avec elle, et cela promptement. Tels étaient les arguments dont elle se servait pour presser Marguerite, qui, faible, fatiguée et découragée, finit par permettre que, dès que mercredi serait passé, elle se préparerait à accompagner sa tante à Londres, laissant à Dixon le soin de payer les menuisiers, de disposer des meubles et de fermer la maison. Avant le mercredi, ce triste mercredi où Mr. Hale devait être enterré loin des deux pays qu'il avait habités et de l'épouse qu'il avait tant aimée, et c'était là un nouveau sujet de chagrin pour Marguerite, car elle pensait que s'il ne s'était pas laissé aller à cette accablante stupeur pendant ces derniers jours, les choses auraient pu être différemment arrangées. Avant ce mercredi, Marguerite reçut une lettre de Mr. Bell ainsi conçue. « Ma chère Marguerite, j'avais l'intention de retourner à Milton jeudi, mais malheureusement il se trouve que c'est une des rares occasions où nous sommes de service et où il ne m'est pas permis de m'absenter. Le capitaine Lennox et Mr. Thornton sont ici. Le premier me paraît être un excellent parent et il a offert de se rendre à Milton pour vous aider dans vos recherches de testament. Quant à moi, je suis convaincu qu'il n'y en a pas, sans quoi vous l'auriez déjà trouvé. Le capitaine paraît décidé à vous emmener à Londres en même temps que sa belle-mère et dans l'état où est sa femme. Il me semble que vous ne pouvez le retenir plus tard que vendredi. Mais Dixon me paraît fidèle et intelligente, et je crois que vous pouvez lui laisser la maison jusqu'à ce que je vienne. Je remettrai les papiers entre les mains de mon homme de loi à Milton si on ne trouve pas de testament, car je suppose que ce brillant capitaine n'entend pas grand-chose aux affaires. Néanmoins, il a des moustaches magnifiques. Il faudra qu'il y ait une vente. Vous ferez donc bien de choisir ce qu'il vous convient de garder, ou, si cela vous fatigue trop maintenant, vous enverrez la liste un peu plus tard. Deux mots encore et je termine. Vous savez, ou si vous l'ignorez, votre pauvre père savait qu'après ma mort vous hériterez de tout ce que je possède. Ce n'est pas que j'ai l'intention de mourir encore, mais je dis ceci pour expliquer ce qui va suivre. Ces Lennox paraissent vous aimer beaucoup en ce moment. Peut-être continuera-t-il d'en être ainsi, peut-être que non. De sorte qu'il vaut mieux commencer par faire des conventions formelles, c'est-à-dire vous engager à leur payer 250 guinées par an, tant qu'il vous plaira aux uns et aux autres de vivre ensemble. La pension de Dixon, bien entendu, est comprise dans cette somme. Ne vous laissez pas entraîner par aucune cajolerie à donner davantage pour elle. De cette façon, vous ne serez pas dans l'embarras, si quelque jour le capitaine vient à désirer d'avoir sa maison à lui seul, et vous pourrez vous transporter ailleurs, vous et vos 250 guinées, si d'ici là je ne vous ai pas réclamé pour tenir ma maison. Pour ce qui est de votre toilette, des gages de Dixon, de vos dépenses personnelles et des friandises et des bonbons, car il faut à toutes les jeunes filles des friandises et des bonbons jusqu'à ce que l'âge les ait rendues sages, je consulterai quelques dames de ma connaissance et j'examinerai ce que votre père vous a laissé avant de fixer la somme nécessaire à ces diverses dépenses. Maintenant, Marguerite, je suis sûr que vous vous êtes enlevée en lisant ceci, et que vous vous demandez de quel droit ce vieux Mr. Bell se mêle de régler vos affaires. Il y a cependant bien quelques droits. Il a aimé votre père pendant 35 ans, il lui a servi de témoin le jour de son mariage, il vient de lui fermer les yeux. De plus, il est votre parrain, et comme il ne peut vous faire de bien spirituellement, car il a l'idée que vous lui êtes de beaucoup supérieur dans ces sortes de choses, il voudrait au moins vous faire ce pauvre bien de vous pourvoir matériellement. Et le vieillard n'a pas au monde un seul parent. Personne ne pleurera la mort d'Adam Bell. Et il a mis tout son cœur dans ce projet, et il espère que ce n'est pas Marguerite Hale qui le refusera. Écrivez-moi pour le retour du courrier, ne fût-ce que deux lignes, pour me faire connaître votre décision, mais pas de remerciements. Marguerite prit une plume et écrivit d'une main tremblante. Ce n'est pas Marguerite Hale qui le refusera. Elle se sentait si faible qu'elle n'eût pu trouver d'autres expressions, et cependant elle était contrariée de se servir de celle-là. Mais ce léger effort l'avait tellement fatiguée, qu'eût-elle imaginé une autre matière de dire qu'elle acceptait, Elle n'eut pas eu la force de l'écrire. Elle fut obligée de se coucher de nouveau sur le sofa et de tâcher de ne penser à rien. « Cher enfant, » dit Mrs. Shaw, « est-ce que cette lettre t'a affligée ou contrariée ?»« Non, » dit faiblement Marguerite, « je serai mieux lorsque le jour de demain sera passé. » « Je suis sûr, ma chérie, que tu n'iras pas mieux avant que je t'aie enlevé de l'air enfumé de Milton. Je ne puis comprendre comment tu as pu le supporter pendant 2 ans. Mais où serais-je allé? Je ne pouvais quitter mon père et ma mère. Bien, ne te chagrine pas, mon enfant. Sans doute, tu as fait pour le mieux. Seulement, je n'avais pas la moindre idée de la manière dont vous viviez. La femme de notre sommelier habite une maison plus confortable que celle-ci. Elle est quelquefois très jolie en été. Vous ne pouvez en juger maintenant. » J'y étais très heureuse. » Et Marguerite ferma les yeux pour mettre un terme à la conversation. La maison, cependant, était luxueuse en comparaison de ce qu'elle était auparavant. Les soirées étaient fraîches, et par les ordres de Mrs. Shaw, des feux étaient allumés dans toutes les chambres. Elle s'efforçait de gâter sa nièce autant qu'elle pouvait, et elle achetait toutes les petites choses qu'elle croyait pouvoir lui être agréables. Mais Marguerite était indifférente à tout, ou du moins, lorsqu'elle remarquait ses attentions, c'était seulement pour être reconnaissante envers sa tante qui prenait toute cette peine pour elle. Elle était agitée malgré sa faiblesse. Toute la journée, pour s'empêcher de penser à la cérémonie d'Oxford, elle allait de chambre en chambre, choisissant languissamment les objets qu'elle voulait conserver. Dixon la suivait sur l'ordre de Mrs. Shaw, ostensiblement pour recevoir ses instructions, mais avec la recommandation d'essayer de la calmer et de l'amener à se reposer le plus tôt possible. Je veux garder ce livre, Dixon. Vous enverrez tous les autres à Mr. Bell. Il les appréciera pour eux-mêmes, et aussi en souvenir de papa. Celui-ci, je désire que vous le portiez à Mr. Thornton, après mon départ. Attendez, je vais écrire un mot que vous porterez en même temps. Elle s'assit sur le champ comme si elle eût craint de réfléchir et écrivit : Cher monsieur, je suis sûr que le livre ci-joint vous sera précieux en souvenir de mon père, à qui il appartenait. Marguerite Hale. Puis elle erra de nouveau dans la maison, touchant et examinant divers objets qui lui étaient familiers depuis l'enfance, et dont elle ne se séparait qu'avec regret et répugnance, si vieux et si usés qu'ils fussent. Mais elle cessa de parler, et Dixon, dans son rapport à Mrs. Shaw, dit à cette dame qu'elle doutait que Miss Hale eût entendu un seul mot de ce qu'elle lui avait dit, bien qu'elle lui parlait tout le temps dans le but de la distraire. Marguerite, qui était restée debout toute la journée, se sentit le soir extrêmement fatiguée et dormit mieux qu'elle n'avait encore fait depuis la mort de son père. Le lendemain, à déjeuner, elle exprima le désir d'aller dire adieu à quelques amis. Mrs. Shaw lui répondit : Je suis sûre, cher enfant, que tu ne peux avoir ici d'amis intimes pour aller les voir si tôt, avant même d'avoir été à l'église. Mais je n'ai qu'aujourd'hui. Si le capitaine arrive dans l'après-midi, et s'il faut réellement que nous partions demain. Oh oui, nous partirons demain. Je suis de plus en plus convaincu que cet air ne te vaut rien, et que c'est là ce qui te rend si pâle et te donne l'air malade. Et puis Edith nous attend. Elle a peut-être besoin de moi, et tu ne peux rester ici, seule, à ton âge. S'il faut absolument que tu fasses ces visites, je t'accompagnerai. Dixon pourra sans doute nous avoir une voiture. Mrs. Shaw alla donc avec Marguerite pour prendre soin d'elle, et elle emmena sa femme de chambre pour prendre soin des châles et des coussins. Marguerite, si elle n'avait pas été aussi triste, eut souri de voir tous ces préparatifs pour faire 2 visites qu'elle avait si souvent faites seule à pied, à toute heure du jour. Elle était un peu effrayée d'avouer qu'un des endroits où elle voulait aller, c'était chez Nicholas Higgins, mais elle espérait que sa tante se sentirait peu disposée à descendre de voiture pour traverser la cour de Nicholas et s'exposer à ce que le linge mouillé, qui séchait sur des cordes tendues d'une maison à l'autre, vint lui fouetter la figure à chaque coup de vent. Il se livra dans l'esprit de Mrs. Shaw un combat entre l'amour de ses aises et le sentiment des convenances, mais le premier l'emporta, et après avoir recommandé à Marguerite de prendre soin d'elle-même et de ne pas attraper quelque mauvaise fièvre, comme il en règne toujours dans ces sortes d'endroits, elle lui permit d'aller là où elle avait été si souvent sans permission et sans prendre aucune précaution. Nicolas était sorti. Il n'y avait à la maison que Marie et 1 ou 2 des enfants de Butcher. Marguerite s'en voulut à elle-même de n'avoir pas mieux choisi le moment de sa visite. Marie, bien que bonne et sensible, était peu intelligente et d'ailleurs, Dès qu'elle eut compris quel était le motif de la visite de Marguerite, elle se mit à pleurer et à sangloter avec tant de violence que celle-ci vit qu'il serait inutile de lui dire aucune des mille petites choses auxquelles elle avait songé pendant le trajet dans la voiture. Elle ne put qu'essayer de la consoler un peu en lui parlant vaguement de la possibilité de se revoir, et elle lui recommanda de dire à son père combien elle désirait qu'il s'arrangeât de façon à venir la voir le soir quand il reviendrait de son ouvrage. Au moment de quitter la maison, elle s'arrêta, et regardant autour d'elle, elle dit avec un peu d'hésitation « Je serais bien aise d'avoir quelques petites choses qui me rappellent Bessie. » À l'instant, la générosité de Marie fut vivement excitée. Que pouvait-on lui donner? Et lorsque Marguerite eut choisi une petite tasse commune, dont elle se rappelait avoir vu Bessie se servir souvent pendant sa maladie, Marie s'écria « Oh, prenez quelque chose de mieux, cette tasse-là n'a coûté que 4 sous. » « C'est tout ce qu'il me faut, merci, » dit Marguerite, et elle se hâta de s'en aller, tandis que le sourire causé par la joie d'avoir quelque chose à lui donner était encore sur le visage de Marie. « Maintenant, chez Mrs. Thornton, » se dit-elle, « il le faut. » Mais cette pensée l'effrayait, et elle eut bien de la peine à trouver des mots exacts pour expliquer à sa tante qui était Mrs. Thornton et pourquoi il lui fallait qu'elle allât lui dire adieu. Mrs. Shaw descendit cette fois de voiture avec elle, et on les fit entrer dans le salon où on venait d'allumer le feu. Mrs. Shaw resserra son châle autour d'elle et grelotta. « Quelle pièce glaciale !» dit-elle. Elles attendirent quelque temps Mrs. Thornton. Lorsque celle-ci entra, son cœur était un peu adouci pour Marguerite, à l'idée qu'elle la voyait pour la dernière fois. Elle se rappelait le courage qu'elle avait montré en plusieurs circonstances, plutôt que la patience avec laquelle elle avait supporté des peines longues et cruelles. Sa physionomie était plus gracieuse que de coutume lorsqu'elle s'avança vers la jeune fille, et même une nuance de tendresse s'y montra lorsqu'elle jeta les yeux sur ce visage pâle et gonflé par les larmes et qu'elle entendit la voix tremblante que Marguerite s'efforçait de rendre ferme. « Permettez-moi de vous présenter ma tante, Mrs. Shaw, madame, » dit Marguerite. « Je dois quitter Milton demain. Je ne sais si vous en êtes informée, mais j'avais besoin de vous revoir, Mrs. Thornton, pour vous prier d'excuser ma conduite la dernière fois que je vous ai vue, et pour vous dire que je suis certaine que votre intention était bonne, quoique nous nous soyons si mal comprises. » Mrs. Shaw parut extrêmement étonnée de ce qu'elle entendait, des remerciements et des excuses pour avoir manqué de politesse. Mais Mrs. Thornton répondit « Miss Sale, je suis bien aise que vous me rendiez justice. « Je n'ai fait que ce que je croyais de mon devoir en vous adressant des remontrances. J'ai toujours souhaité d'agir envers vous comme une amie. Je suis bien aise que vous me rendiez justice. »« Et vous, » dit Marguerite en rougissant, « voulez-vous aussi me rendre justice et croire que bien que je ne puisse et ne veuille donner aucune explication de ma conduite, je n'ai pas agi de la manière inconvenante que vous avez cru ?» La voix de Marguerite était si douce, son regard si suppliant, que Mrs. Thornton fut cette fois sensible au charme qu'il avait jusqu'ici trouvé invulnérable. « Oui, » dit-elle, « je vous crois, n'en parlons plus. Où allez-vous demeurer ? Mr. Bell m'a dit en effet que vous alliez quitter Milton. Vous ne l'avez jamais aimé à la vérité, mais, malgré cela, vous ne pouvez vous attendre à ce que je vous félicite de le quitter. Où allez-vous vivre ? Avec ma tante, » répondit Marguerite en se tournant vers Mrs. Shaw. « Ma nièce va demeurer chez moi dans Harley Street. Elle est pour moi presque une fille, » dit Mrs. Shaw en regardant Marguerite avec tendresse, « et je suis reconnaissante de tout ce qu'on a pu faire pour elle. Si jamais vous et votre mari vous venez à Londres, mon fils et ma fille, le capitaine et Miss Lennox, seront, j'en suis sûr, très heureux de faire tout ce qui sera en leur pouvoir pour vous être agréable. » Mrs. Thornton pensa intérieurement que Marguerite aurait dû prendre la peine d'instruire du degré de parenté qui unissait à Mr. Thornton, la belle dame qui prenait déjà envers eux, des airs de protection. Elle répondit donc d'un ton bref. « Mon mari est mort, Mr. Thornton est mon fils. Je ne vais jamais à Londres. De sorte qu'il n'est pas probable que je profite des offres que vous avez la politesse de me faire. » En cet instant, Mr. Thornton entra. Il arrivait d'Oxford. Son costume noir témoignait du motif pour lequel il y était allé. « John, » lui dit sa mère, « cette dame est Mrs. Shaw, la tante de Miss Hale, qui, je regrette de le dire, vient pour nous dire adieu. » Vous partez donc ? Dit Mr. Thornton à voix basse. Oui, dit Marguerite, nous quittons Milton demain. Mon gendre vient nous chercher ce soir, dit Mrs. Shaw. Mr. Thornton se tourna d'un autre côté. Il ne s'était pas assis et il semblait examiner quelque chose sur la table, comme s'il y eût trouvé une lettre qui lui faisait oublier la compagnie présente. Il ne parut pas même s'apercevoir du mouvement que firent les dames pour s'en aller. Cependant, il s'élança en avant pour offrir le bras à Mrs. Shaw jusqu'à la voiture. Tandis qu'il avançait et que Marguerite et lui étaient debout sur le perron à côté l'un de l'autre, il était impossible que le souvenir du jour de l'émeute ne s'offrît pas à leur esprit. Dans celui de Mr. Thornton, il se présenta associé aux paroles du lendemain, à cette déclaration passionnée de Marguerite, qu'il n'y avait pas dans toute cette foule un seul homme qui ne l'intéressât plus que lui. Et à la pensée de ses mépris, son regard devint sévère, bien que son cœur battît, vivement agité par l'amour. « Non, se dit-il, je l'ai mise à l'épreuve une fois et j'ai tout perdu. Qu'elle parte avec son cœur de pierre et sa beauté. Combien son regard est dur, même en ce moment, malgré le charme de ses traits. Elle craint que je ne lui dise quelque chose qui l'oblige à me repousser avec fierté. Qu'elle parte donc. Malgré sa fortune et sa beauté, elle aura de la peine à rencontrer un cœur plus dévoué que le mien. » La voix dont il lui dit adieu n'exprima ni regret, ni émotion d'aucune sorte, et la main qu'elle lui tendit fut prise avec calme et laissée avec autant d'indifférence que si c'eût été une fleur morte et flétrie. Mais personne de la maison ne revit Mr. Thornton ce soir-là. Il était extrêmement occupé, ou du moins, il le disait. Les forces de Marguerite furent si complètement épuisées par ses visites qu'il lui fallut se soumettre aux soins et aux ordonnances de sa tante et supporter ses « je te l'avais bien dit ». Nixon déclara qu'elle était aussi malade que le jour où elle avait appris la mort de Mr. Hale, et Mrs. Shaw et elle se consistèrent sur l'opportunité de différer le voyage du lendemain. Mais lorsque sa tante lui proposa à regret quelques jours de délai, Marguerite s'écria « Oh non, partons. Je ne puis être patiente ici. Je ne m'y remettrai jamais. J'ai besoin d'oublier tout. » On continua donc les préparatifs. Le capitaine Lennox arriva et apporta des nouvelles d'Edith et du petit garçon, et Marguerite s'aperçut que la conversation indifférente d'un homme qui, quelque bon qu'il fût, ne sympathisait pas vivement avec elle, lui faisait du bien. Elle secoua sa torpeur, et vers l'heure à laquelle elle comptait sur Higgins, elle se trouva en état de quitter doucement le salon et d'attendre dans sa chambre qu'on l'appelât pour le recevoir. « Eh ! » dit-il, lorsqu'elle entra. Qui aurait cru que le vieux monsieur s'en irait tout à coup comme cela. On aurait pu me jeter à par terre avec une paille lorsque j'ai appris la chose. « Mr. Hale, que je disais, celui qui a été curé ?»« Oui, qu'il me répondait. » »« Alors c'est un bien bon homme de moins sur la terre que je leur dis. Et je me suis rendu chez vous pour vous voir et pour vous dire comme j'étais chagrin. Mais les femmes qui étaient dans la cuisine n'ont pas voulu vous aller dire que j'étais là. Elles m'ont dit que vous étiez malade et elles m'ont renvoyé. « Et comme ça, vous allez donc être une grande dame, là-bas, à Londres ?»« Non, pas une grande dame, » dit Marguerite en souriant à demi. « Thornton m'a dit, il y a un jour ou deux, « Higgins, avez-vous vu Miss Hale ?»« Non, que je lui ai dit. « Il y a un tas de femmes qui ne veulent pas me laisser approcher, mais elle me connaît bien, et elle saura tout de même que j'ai bien du chagrin du vieux monsieur, quoique je ne puisse pas la voir. » Alors qu'il me dit, « Mon garçon, vous n'aurez pas beaucoup de temps pour la voir. » Elle ne va pas rester avec nous un jour de plus qu'il ne faudra. Elle a des parents qui sont des grands personnages et qui vont l'emmener. Nous ne la verrons plus jamais. Patron, que je lui ai dit, si je ne la vois pas avant qu'elle s'en aille, je tâcherai d'aller à Londres, à la Pentecôte prochaine, vous pouvez être sûr de ça. Et tous les parents du monde n'empêcheront pas que je lui dise adieu. Mais que Dieu vous bénisse, je savais que vous viendriez. C'était seulement pour ne pas contrarier le patron que j'avais l'air de croire que vous pourriez quitter Milton sans me voir. « Vous avez bien raison, » dit Marguerite. « Vous ne faites que me rendre justice, et vous ne m'oublierez pas, j'en suis sûr. Si personne d'autre ne se souvient de moi à Milton, vous, du moins, vous penserez à moi ainsi qu'à mon père. Vous savez comme il était bon et tendre. Tenez, Higgins, voilà sa Bible, je voulais garder. Il me coûte de m'en séparer, mais je sais qu'il aurait été bien aise. » Que vous l'eussiez. Je suis certaine qu'elle vous sera précieuse et que vous la lirez pour l'amour de lui. Vous pouvez être sûr de ça. quand ce serait l'écriture du diable lui-même. Si vous me demandiez de la lire pour l'amour de vous et du vieux monsieur, je la lirais. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je n'ai pas envie de prendre votre monnaie, aussi n'y pensez pas. Nous avons été bons amis, sans qu'il ait jamais été question d'argent entre nous. C'est pour les enfants de Butcher, dit Marguerite. Ils peuvent en avoir besoin. Vous n'avez pas le droit de refuser ce qui est pour eux. Je ne voudrais pas vous donner seulement un sou, dit-elle en riant. Ne croyez pas qu'il n'y ait rien pour vous. C'est bien, ma fille. Je ne peux que dire, Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse et Amen.